Les folies bergères. Et en Arcadie, je, ce qui ne signifie, qu'on me pardonne mon étroitesse d'esprit, pas grand-chose. Ou alors les anciens étaient plus sages que nous et leur sagesse était opaque à notre entendement. L'Arcadie, telle qu'elle demeure en notre imaginaire, est synonyme de plaisir agraire, de liberté champêtre et de folie bergère. C'est dans un décor bucolique, peuplé de pâtres dénudés, harmonieusement bodybuildés, corpos construits en français dans le texte, de pastourelles aux blancs manchons et de muses idéalement proportionnées, qu'on se représente d'ordinaire cette contrée mythique. Les bergers qui l'habitent, à vrai dire, passent plus de temps à taquiner la lyre, rouler du pec et badiner la gueuse qu'à garder leur troupeau. « Poète, prends ta lyre et me donne un baiser !» Fantasme ô combien mucétique du poète romantique pâmé dans son extase pré-post-moderne. C'est le cadre qui fait l'homme et la lucarne qui fait le pénalty parfait. Dans le paysage artificiel de l'Arcadie, reflétant un passé qui jamais ne fut, les folies bergères vont bon train. Ce sont elles, ne l'oublions pas, qui ont fait la gloire de la France. Mais cela est une autre histoire que je vous conterai un autre jour.